Escalade de la violence entre Israël et la Syrie, 19 mars 2014. Les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes contre des positions militaires syriennes sur le plateau du Golan. L'attaque a fait un mort et 7 blessés parmi les soldats, un bilan confirmé par la Syrie. Ces dernières frappes sont intervenues en réponse à une attaque, mardi, contre les forces israéliennes, sur la ligne de cessez-le-feu israélo-syrienne. Tsahal dit avoir visé un camp d'entraînement de l'armée syrienne, un siège militaire et des batteries d'artillerie. C'est le 3e incident de ce type en moins de 2 semaines le long des frontières nord d'Israël. Et le 1er à faire des victimes parmi les Israéliens, 4 soldats ont été blessés, dont un gravement. Un porte-parole militaire israélien a qualifié l'attaque de mardi d'escalade inacceptable de la violence en provenance de la Syrie et a promis qu'Israël ne tolérera aucune menace contre ses forces ou ressortissants. À Washington mercredi, la porte-parole du département d'État, Jen Psaki, a dit qu'Israël a le droit de se défendre. Elle a également exhorté Tel Aviv et Dama à respecter l'accord de cessez-le-feu conclu par les deux pays en 1974, qui prévoyait le retrait des forces militaires israéliennes et syriennes du plateau du Golan et à s'abstenir de combattre. Israël a conquis le Golan, un territoire syrien, à l'occasion de la guerre des Six Jours en 1967. Et a annexé la région, appelle à l'aide de la Libye pour lutter contre les milices, 20 mars 2014. La Libye a appelé la communauté internationale à l'appuyer dans ce qu'elle qualifie de sa propre guerre contre le terrorisme. Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement intérimaire libyen a demandé aux Nations Unies, ONU, de l'aider à juguler le terrorisme dans les villes libyennes. Les ports en particulier, des groupes terroristes opèrent à Benghazi, Sirte et d'autres localités. Précise le document, le Conseil de sécurité de l'ONU a réagi en adoptant mercredi une résolution qui condamne les tentatives d'exportation illicite du pétrole brut de la Libye, et qui impose des sanctions contre des navires impliqués dans ce commerce illégal. L'ambassadeur de la Libye à l'ONU, Ibrahim Dabashi, a remercié le Conseil de sécurité pour avoir pris rapidement des mesures qui permettront à Tripoli de reprendre le contrôle de ses exportations de pétrole. Début mars, le navire Morning Glory, battant pavillon nord-coréen, aurait été approvisionné en pétrole libyen par des groupes armés qui bloquent depuis plusieurs mois un certain nombre de terminaux et de champs pétroliers dans l'est du pays. En violation de la souveraineté libyenne, a fait valoir le Conseil de sécurité. Rappelons que Benghazi a été le site d'un attentat à la voiture lundi qui a coûté la vie à au moins 7 personnes. Depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011, le gouvernement intérimaire affronte des milices qui lui disputent le contrôle du pays et de ses ressources, remettant en cause sa souveraineté. Kerry, la balle est dans le camp de Poutine, 20 et 1 mars 2014, selon le secrétaire d'État américain, John Kerry. Les États-Unis sont prêts à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie pour son annexion de la péninsule de Crimée en Ukraine. Lors d'une interview exclusive avec La Voix de l'Amérique, VOA, M. Kerry a déclaré que les actions de la Russie risquent de déstabiliser l'Ukraine. « Je ne pense pas que cette situation soit dans l'intérêt de quiconque », a-t-il dit, tout d'abord. Ce n'est dans l'intérêt de personne que l'Ukraine soit plus dangereuse du fait que la Russie bouge des troupes ou devienne plus provocatrice. Deuxièmement, ce n'est dans l'intérêt de personne que cette situation empire au lieu d'être désamorcée. Troisièmement, ce n'est dans l'intérêt de personne que d'autres problèmes graves se ressentent de cette situation, comme la Syrie, l'Iran, L'Afghanistan, des pays sur lesquels nous avons été en mesure de coopérer, a dit M. Kerry. Le secrétaire d'État s'exprimait jeudi, alors même que le président Barack Obama renforçait les sanctions économiques contre Moscou, des sanctions qui ciblent 20 législateurs et aux fonctionnaires russes, ainsi qu'une banque qui les appuie, toujours selon M. Kerry. Les États-Unis ne permettront pas que des mesures prises par un pays détruisent ce qu'il a qualifié de « l'ordre de l'après-Seconde Guerre mondiale » et « la structure internationale ». Il a ajouté que c'est au président russe Vladimir Poutine de décider comment procéder. Avion disparu, les débris n'ont pas encore été localisés, 20 et 1 mars 2014. Poursuite des recherches vendredi dans le sud de l'océan Indien. L'Australie ayant déployé des avions pour localiser des débris repérés à la surface, et qui pourraient être ceux du volume 370 de la Malaysia Airlines, disparu le 9 mars avec 239 personnes à bord. Un satellite australien a identifié de gros débris qui, selon les enquêteurs, pourraient être des parties du fuselage de l'avion. L'un des morceaux fait environ 24 mètres de long et une autre 5 mètres. Les photos ont été prises en début de semaine, avant d'être publiées jeudi. On pense que les débris flottent à environ 2500 km au sud de la ville australienne de Perth. Une météo peu clémente, nuages et pluie a empêché les avions de sauvetage d'identifier quoi que ce soit jeudi. Un cargo norvégien en route pour l'Australie en provenance de Madagascar est arrivé près de la zone où les débris se trouveraient, mais n'a rien pu repérer au cours de la nuit lors d'un point de presse à Perth vendredi. Le vice-premier ministre australien, Warren Truss, a estimé que les débris pourraient avoir coulé au fond de l'océan Indien. Selon les autorités australiennes, 3 avions Orion de l'Australian Air Force, 8 appareils de l'US Navy, et un jet de longue portée avec à bord des observateurs de l'Australian Maritime Safety Authority, ont participé aux recherches vendredi. Il s'agit de patrouiller une zone isolée, à plus de 2000 km au large des côtes, John Young, directeur général de l'Australian Maritime Safety Authority, a expliqué que les chercheurs ont changé de tactique lorsque les radars n'ont rien pu détecter, jeudi. On s'est tourné vendredi vers les recherches visuelles, a-t-il confié. Donc des avions volant à altitude relativement basse, avec des observateurs hautement qualifiés et formés chargés de regarder par les fenêtres de l'avion, à la recherche d'objets, a-t-il poursuivi, ce qui nécessite, par la force des choses, le déploiement d'un plus grand nombre d'appareils, a dit M. Young. Le jet de la Malaysia Airlines a disparu après avoir décollé de Kuala Lumpur à destination de Beijing. 26 pays participent aux recherches pour retrouver l'appareil, dans une zone couvrant plus de 7 millions de kilomètres carrés, allant du Kazakhstan au sud de l'océan Indien. La plupart des passagers étaient des Chinois. Leurs familles sont très frustrées par la lenteur de l'enquête et accuse les autorités malaisiennes de mentir.